L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte de l'association Aramis, une association régionale d'artistes peintres, des sculpteurs, des artistes verriers. L'association Aramis qui va donc présenter une exposition du 20 novembre au 1er décembre à l'atelier de Jarville. Jean-Marie Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour l'association Aramis, association régionale artistique des médecins infirmiers et soignants de Lorraine. Depuis quand existe cette association ? Alors l'association Aramis donc a été créée en 1996 par le docteur Michel Parache. Elle regroupe des artistes, médecins, infirmiers, soignants et l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent partager leur plaisir, leur passion artistique, aussi bien avec le grand public que directement avec des établissements de santé. Combien de membres compte l'association aujourd'hui ? À peu près, donc nous sommes 50. Nous recrutons, bien sûr, nous augmentons notre effectif. Donc une cinquantaine de bénévoles au sein de l'association. Vous-même, depuis quand participez-vous à l'association Aramis ? Alors pour ma part, donc j'ai rejoint l'association tout récemment, donc depuis 2 ans, à un moment où j'éprouvais l'intérêt de rencontrer des personnes qui sont aussi des artistes et qui ont une vision de l'art humaniste très intéressante. Alors on va venir sur l'exposition, il y aura aussi des peintures, il y aura des sculptures. De votre côté, quel est votre moyen d'expression ? Alors pour ma part, donc, je réalise des vitraux d'art, des vitraux qui sont présentés dans une exposition avec une technique de suspension qui permet donc d'en profiter au maximum avec un éclairage qui les valorise. Ce sont des vitraux que je réalise à partir d'œuvres de grands peintres comme Cézanne ou Kubka ou sur des demandes particulières. Alors toujours pour rester sur votre exemple, comment êtes-vous venu à faire des vitraux d'art ? Alors pour ma part, donc j'avais comme projet de prendre un virage un peu dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc je suis intéressé depuis très longtemps par le verre, le travail du verre. Et je trouve que le vitrail peu qui nous entoure, puisque à Nancy, nous sommes beaucoup influencés par l'école de Nancy, des noms célèbres comme Gruber, par exemple. Et donc, j'ai été fasciné par ce travail. Je me suis formé donc auprès d'un maître vitrailliste à Metz, Philippe Tisserand, qui m'a transmis sa passion. Voilà, donc j'ai plaisir à partager. J'ai un atelier, parce que tout cela demande un certain équipement, bien sûr. Vous allez exposer donc du 20 novembre au 1er décembre à l'atelier de Jarville, mais vous ne serez pas tout seul. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir d'autre sur place ? Alors, sur place, vous pourrez admirer des peintures acryliques, à l'huile, des pastels, des aquarelles, des icônes. Nos œuvres, donc tous les artistes, sont orientés vers de la peinture figurative ou abstraite. Et également, il faut signaler des belles pattes de verre de Marie-France Vestier, des mosaïques, du travail de la terre, une variété d'art qui sont de bonne qualité. Et lors de cette période d'exposition, les bénévoles et artistes seront présents en partie sur place pour pouvoir échanger avec les visiteurs ? Voilà, nous assurerons une permanence de façon à ce que les visiteurs puissent échanger sur les œuvres, sur l'association. Voilà, donc c'est à l'atelier de Jarville au 106 rue de la République. C'est donc ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 21h30 du lundi au vendredi. Et c'est ouvert aussi également le samedi matin entre 9h et midi. Et bien sûr, l'entrée est libre. Un dernier mot peut-être ? Oui, donc cette association Aramis se développe. Notre association donc souhaite rencontrer, toucher un maximum de public, mais aussi le monde de la santé, le partage avec les établissements de santé, communiquer avec les soignants et les patients. Et nous projetons de nous développer aussi du côté des maisons de retraite prochainement. Et j'ajoute donc que cette exposition est une exposition vente. Donc les personnes intéressées pourront aussi se procurer des œuvres qui peuvent leur plaire. Merci Jean-Marie Bonnet. On peut retrouver l'association sur Internet, sur le site www.aramis-lorraine.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.